إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Donc je voudrais tout d'abord m'excuser pour ma voix, surtout pour les gens qui sont sur internet. Je suis un petit peu malade aujourd'hui. Je vous demandais d'être un peu patient et on va essayer de mettre le son au maximum, inshallah. Donc après avoir fait une introduction, et dans le cadre de l'introduction, en tout cas on est toujours dans le cadre de l'introduction, mais après avoir vu le magnifique hadith d'Anas ibn Malik, radiallahu anhu ardah, sur l'Isra et l'Mi'raj, et sur l'obligation des cinq prière quotidienne. Aujourd'hui, on va s'attacher, inchallah, à continuer et on rentre directement dans le livre. Cheikh Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, nous dit: "Was-salatu 'ala qismayn. Salatu fardin wa salatu tatawwu'in. Wa salatu al-fard 'ala qismayn. Salatu mafrudatun bi haqq al-Islam, wa hiya as-salawat al-khamsu fi al-yawm wa al-laylah. Wa salatu mafrudatun li sabab كإلزام العبد نفسه في صلاة النذر." Donc Cheikh Bazmoul nous dit, hafidhahullah ta'ala, donc toujours dans le cadre de l'explication du livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah, la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, comme si tu la voyais. Et c'est une explication faite donc par Cheikh Mohamed ben Omar Bazmoul. Et pour peut-être les frères et les sœurs qui n'étaient pas là précédemment, je rappelle que je me base sur l'édition de Dar al-Tawhid et Dar al-Istiqama, donc de Cheikh Mohamed ben Omar Bazmoul, hafidhahullah ta'ala. Et donc il nous dit, la prière est divisée en deux catégories, ou elle est de deux types. La première de ces catégories, c'est la prière obligatoire. Je vous avais dit que c'est une traduction approximative du terme quoi ? Fard. Hein ? D'accord ? Et Cheikh nous dit que elle est de deux catégories, obligatoire et surérogatoire. Alors obligatoire, on avait dit que c'était fard, et surrogatoire, on peut appeler ça un nafl ou bien une salade, comment on avait dit, hein, tatawwu', hein. Et on avait dit que Cheikh Mohamed ibn Omar Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, il avait écrit un magnifique livre, un très très bon livre sur toutes les prières surrogatoires, Bourriyat al-mutatawwi' fi hukm salat tatawwu'. Et c'est un livre que, à l'époque où j'avais donc l'édition Ahl al-Hadith, c'est un livre donc qu'on a eu le grand honneur, alhamdoulilah, de traduire en langue française et qui a été édité donc, et c'est le seul livre d'ailleurs qu'on a édité en langue française. Contrairement à la langue arabe, on a eu, alhamdoulilah, l'opportunité d'éditer quatre livres en arabe pour Cheikh Bazmoul. À la kulli hal, donc on continue, on dit quoi que al-fard c'est obligatoire et tatawwu ou bien nafl c'est ce qui est surérogatoire. Et Cheikh continue en disant, la prière obligatoire est de deux types. Donc on a dit quoi ? La prière est de deux types, obligatoire et surrogatoire. Et la prière obligatoire elle-même est de deux types, ou deux catégories. La prière obligatoire, premièrement donc, la prière obligatoire par le droit de l'islam, bi haqq al-islam, comme l'a dit le cheikh ici. Et ce sont quoi les cinq prières quotidiennes, donc les cinq prières obligatoires. D'accord ? Ensuite, deuxième catégorie de prière obligatoire, c'est la prière rendue obligatoire par une raison spécifique, ou bien pour une raison spécifique. Il a dit, Cheikh ici en arabe, il a dit salatun mafroudatun li sababin, hein, pour une raison spécifique. Ka ilzami al-abd nafsuhu fi salati an-nadhr. Donc il a dit quoi? Il a dit comme donc l'obligation qu'une personne se donne à elle-même, hein, lorsqu'elle fait un vœu, ce qu'on appelle un nadr, et qu'elle doit ensuite s'en acquitter. D'accord? C'est juste pour donner un exemple de quoi, que le fait que cette prière à la base, elle est obligatoire ou pas? Hein? Oui ou non? Non, elle n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui l'a rendu obligatoire? C'est le nadr, na'am, c'est juste le vœu. C'est ça qui l'a rendu. C'est pour ça qu'il a dit que la deuxième catégorie de prière obligatoire, c'est quoi? La prière obligatoire pour un sabab, une raison spécifique. D'accord. Ensuite, Cheikh continue, il dit wa salatu tatawwu'i ala qismayn. Salatu tatawwu'in muqayyad bi wasfin wa hay'atin min ash-shar' kas-sunan ar-rawatib wa salati ad-duha wa salati al-layl wal-witr. Thaniyan, salat tatawwu' mutlaq. Lam yahuddaha ash-shar' bi wasfin aw hay'ah. Donc qu'est-ce que nous Cheikh nous dit ici en continuant donc les deux catégories de prières? Il parle de la prière à tatawwu'. Il dit qu'elle-même également, comme la prière obligatoire, se divise en quoi? En deux catégories, où elle est de deux types. Il dit la prière surrogatoire dont l'aspect, il a parlé d'un wasf, d'une hay'a, hein, est spécifié par la législation, par la sharia ou par le shara. Comme par exemple ce qu'on a, il a appelé sunan al-rawatib, qu'on appelle en général al-rawatib. C'est quoi sunan al-rawatib? Qui s'est donné un exemple par exemple sunan al-rawatib? N'importe quel exemple. Par exemple, qu'est-ce que tu as dit? Hein? Rawatib en général, tu avais dit un exemple au début. Tu avais dit, répète-le, juste là, ce que tu as dit au tout début. Hein? Avant ou après, mais dites-moi un exemple, n'importe quel exemple. Par exemple, ce qu'on prie en général, après, deux rak'at après le maghrib, par exemple. C'est juste pour avoir un exemple, pour situer, pour illustrer, d'accord? Donc il a dit, kasunan al-rawatib, ou la prière de Doha. D'accord, ça rentre dans quoi? Dans salat tatawu', mais ça a été spécifié par le shara'. C'est-à-dire que c'est une salat qui s'appelle salat Doha, à un temps spécifique, qui est le temps de Doha. D'accord? Ok, par exemple, la sunna de salat al-maghrib, après c'est combien? Deux rak'at qui se font après le maghrib, d'accord? C'est tout simplement pour dire ça. Où il dit le shir, ou la prière de la nuit et le witr. D'accord? Vous allez mieux comprendre la différence quand on va rapporter maintenant le deuxième type qui est quoi? C'est la prière surrogatoire dont l'aspect n'est pas spécifié par l'islam islamique. Hein? Le musulman peut donc en prier autant qu'il veut le jour et la nuit. D'accord? Et si tu veux faire deux rak'at, tu fais deux rak'at. D'accord? Donc il y a deux genres de prières surrogatoires. Et Cheikh, il a bien dit en arabe, salat tatawwu' muqayyad bi wasfin wa hay'atin min ash-shar' wa salat tatawwu' mutlaq. Hein? D'accord? Et Cheikh donne le dalil de ça. Il dit, an Talha ibn Ubaydillah yaqul ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min ahli Najd tha'ir ar-ra's yusma'u dawi sawtihi wa la yufqahu ma yaqul hatta idha dana fa idha huwa yas'alu 'an al-islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. C'est un hadith qui est متفق عليه. Je vous rapporterai le tahrij après, inshallah. On va d'abord s'attacher à le traduire. Il dit d'après Talha ibn Ubaydillah, il dit un homme parmi les gens du Najd, hein, et ici il y a un terme qui est utilisé dans le hadith qui est fa'ir al-ra's, hein. On peut traduire, revenez inshallah Fath al-Bari, j'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure dans plusieurs Ummahat, on peut traduire ça de manière approximative par la tête échevelée. Et il dit, il vint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et dans le hadith, on rapporte, on dit quoi? On entendait le son de sa voix sans comprendre ce qu'il disait. Si pour plus clarifier cela, Ibn Hajar, il dit dans Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, il dit que c'est parce qu'il venait, il parlait de loin. D'accord ? Et regardez la suite du hadith, jusqu'à ce qu'il se rapproche, hatta dana. Hein ? Et il questionna à propos de l'islam, Ibn Hajar dit les législations de l'islam. An shara'i' al-islam. Parce que le hadith il dit quoi ? Yas'alu ani an al-islam. Ibn Hajar dit yas'alu an shara'i' al-islam. D'accord ? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit 5 prières dans la nuit et le jour. Il dit, y en a-t-il d'autres qui me sont obligatoires ? Il dit non. Sauf si tu, comme il a dit, un tatawa'a. On a dit c'est quoi tatawa'a ? C'est de, hein ? On peut traduire ça par si tu pries des surrogatoires, des prières en plus. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est une traduction toujours des hadiths approximatives. Si vous rentrez dans Fath al-Bari ou Sharh Nawawi Sahih Muslim, vous allez voir qu'il y a des longues discussions sur le sujet. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, et le jeûne de Ramadan. Il dit, y en a-t-il d'autres qui me sont obligatoires ? Il dit, non, sauf si tu jeûnes, yani des jeûnes surrogatoires. Illa an tatawa'a. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit ou lui parla de la zakah. C'est-à-dire quoi ? L'aumône prescrite, l'aumône légale, obligatoire. Et il dit, y en a-t-il d'autres qui me sont obligatoires ? Il dit non, sauf si tu donnes des aumônes surrogatoires. Il dit, l'homme s'en alla en disant, par Allah, je ne rajoute rien à cela, ni diminue à cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il a certes réussi si il est véridique. D'accord ? À la coulée, par rapport au fait de sa parole, je ne rajoute rien à cela, ou je ne diminue rien à cela, revenez, inshallah, aussi au Ummahat, hein. On ne va pas trop allonger sur le sujet. Revenez, Inch'Allah, c'est une bonne occasion pour nous motiver de revenir aux explications de Sahih al-Bukhari et de Sahih Muslim. Donc, je vous donne la référence rapportée par al-Bukhari dans son Sahih, Kitab al-Iman, livre de la foi. Le hadith est le numéro 46. Et Muslim, chapitre de la foi également donc, dans son Sahih, et c'est chapitre numéro 11, le hadith numéro 11. Shir continue ensuite en disant أهمية الصلاة وفضلها الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. C'est un hadith également متفق عليه. Et Cheikh continue en disant, on traduira le tout ensuite, Inch'Allah. Il dit, وَهِيَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. Et puis il rapporte un hadith, et Inch'Allah, moi je vais vous traduire une autre riwayat de hadith là. On lit d'abord celle que Cheikh Bazmoul nous rapporte. Il dit, عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسْ بْنِ حَكِيمِ الضَّبِّيِّ قَالَ خَافَ مِنْ زِيَادٍ أَوْ بْنِ زِيَادٍ فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ فقال يا فتى ألا أحدثك حديثا قال قلت بلى رحمك الله قال يونس وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Et donc c'est un hadith dont on va faire le takhrij après. Et Cheikh Bazmoul hafidhahullah ta'ala nous rapporte ici, qui peut déjà me dire déjà ici par rapport à l'istidlal par rapport à ce hadith ici, pourquoi est-ce qu'on a rapporté, regardez le chapitre, ahamiyat salah wa fadluha. Et il rapporte un hadith. Et je vous aide un peu, il dit comme on l'avait dit, c'est important, comme Cheikh Rabi' il avait écrit le livre pour entraîner et faire, nous faire habituer à faire ce qu'on appelle istikhraj al-ahkam, ou istinbat al-ahkam. Comment on voit de ce hadith ici? C'est quoi waj al-istidlal, comme on dit toujours, bihad al-dalil. Pourquoi il a utilisé ça pour dire puis il a rapporté cette riwaya ici? Qui s'est nous rapporté? Je vous répète le hadith. C'est la première phrase du hadith. Là, plus que ça, je ne peux pas aider. Non, voilà, c'est exactement ça. Et vous allez voir que quand quand vous regardez dans certaines explications de Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, vous voyez en fait que c'est la première chose dont on rendait compte, parmi quoi ? Les droits d'Allah, et pas les droits des gens. Parce qu'il faut faire un jam' entre les riwayat. Hein? Revenez également, inshallah, à Fath al-Bari et Sharh Nawawi ala Sahih al-Muslim. À l'écoulé, on va s'attacher à traduire ça. Et le Cheikh nous dit l'importance de la prière et sa préscience. La prière est le deuxième pilier de l'islam. D'après Ibn Omar, hein, c'est qui Ibn Omar ? Abdullah Ibn Omar ? Le fils de ? Omar ibn Khattab. Donc, d'après Ibn Omar, qu'Allah les agrée tous deux. Hein, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'islam est construit sur cinq. Hein, l'islam est construit sur cinq. L'attestation qu'il n'y a de divinité adorée avec vérité qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le parachèvement de la prière, il n'a pas dit la prière. Vous vous souvenez qu'on avait dit « wa iqami salah » hein? Le parachèvement de la prière, donner l'aumône prescrite, c'est la zakat, le pèlerinage, le hajj et le jeûne de Ramadan. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, chapitre de la foi, hadith numéro 8, et Muslim, chapitre de la foi également, numéro 16. Le Cheikh nous dit « la prière est la première chose dont l'adorateur devra rendre des comptes ». Hein? Donc on voit quoi, comme il a dit le frère ici, directement, on voit son importance et sa préscience. Hein? Et ça doit déjà nous éveiller sur le fait d'être attentif et d'être présent, inshallah, au cours, pour toute la série de cours. Et normalement, je pense qu'aujourd'hui, on devrait rentrer directement dans l'explication de Cheikh Al-Albani, la description de la prière. Et donc si c'est quelque chose d'important, pourquoi Cheikh nous rapporte ça, hein? Revenez toujours dans le contexte, c'est important de toujours voir les choses dans le contexte. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début? On a parlé quoi, akoum salam? On a parlé de quoi? Du livre, ça ou là, de l'ouvrage. On a parlé de du sujet, barakallahu fik al-mawdou, et de l'auteur aussi. Hein? Et d'ailleurs, en début, la première chose qu'on s'est attaché à faire, c'est quoi? Une biographie de l'auteur. Hein? Et puis, Cheikh, dans de nombreux passages, il fait une défense de l'auteur sur beaucoup d'accusations lancées sur Cheikh al-Bani, rahimahullah ta'ala. Donc ici, c'est bien important de quoi? De replacer dans le contexte qu'on parle, on est toujours dans quoi? Dans le cadre de al-mawdou, le sujet, mawdou al-kitab. Hein? Et vous voyez la méthodologie, la très excellente méthodologie de Cheikh Bezmoul, hafidhahullah ta'ala. Il dit quoi ? Ahamiyatu salati wa fadluha. Puisque quoi ? C'est le sujet de notre cours, ou tout comme le sujet du livre qu'on est en train d'étudier ensemble, c'est as-salah, la prière. D'accord ? Et donc, il rapporte une riwaya, mais la riwaya que je vais vous traduire, c'est celle-ci. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose, hein, je vous avais dit un commentaire à faire par rapport à cela directement, parmi les droits d'Allah. Hein? Et pour les frères Ani qui veulent revenir à cela, je donne une référence. C'est les annotations, Ta'liqat Salafiya, les annotations Salafi sur Sunan Nasa'i. Hein? Ta'liqat Salafiya ala Sunan Nasa'i. Et c'est un livre qui a été fait par deux chouyours avec une préface de Cheikh Al-Luhaydan, hafidhahullah ta'ala. Hein? Et donc revenez, inshallah, à l'explication de ce hadith, et vous verrez, inshallah, qu'il fait la distinction entre les droits des gens et les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première chose parmi les droits d'Allah, hein, dont les gens devront rendre compte le jour du jugement dernier, c'est la prière. Il dit, Allah dit aux gens, aux anges, et il est le plus savant, wahu a'lamu. Regardez la prière de mon adorateur, de mon serviteur, l'a-t-il accompli de manière correcte, hein, c'est-à-dire l'a-t-il parachevé, hein? Ou l'a-t-il diminué? Si elle est complète, elle lui sera écrite complète. Et si elle est, il en a diminué quelque chose, yani s'il en a diminué quelque chose de cette prière, il dit, regardez si mon serviteur a des prières surrogatoires. Hein? Ce qu'on appelait quoi? Tatawwu'. D'accord? S'il en a complété à mon serviteur sa prière obligatoire par sa prière surrogatoire. Hein? Et le hadith termine en disant, il en sera de même ensuite pour toutes les actions. Concernant le takharij du hadith, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Hein? Qui me parle un peu de ce qu'on vient de dire ici? Quand je dis Abu Daoud, c'est dans Al-Sunan. Quand on dit Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Al-Sunan. Al-Nasa'i, Al-Sunan. Quand on fait l'Itlaq. Hein? Ou Ibn Majah, dans Al-Sunan. Qui sait me dire justement... Ici, il y a des livres. J'allais vous donner le chiffre, ça va trop vous aider. Hein? C'est dans quel livre qu'il a été rapporté ici? Directement, ça doit venir à l'esprit quand j'ai cité ces noms-là. J'allais encore dire le chiffre. Hein? Il y en a combien? Je le répète. Abu Daoud, il a regardé le muhadithine, il les donne dans l'ordre. Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Nasa'i, wa Ibn Majah. Recompte bien. T'es pas loin. Non. Un livre, c'est pas Kutub Sita, c'est les six livres déjà Kutub Sita. Non, mais c'est juste une compilation, ça. Je répète, Abu Daoud, hein? Al-Arba'a, Sunan al-Arba'a, d'accord? De ce qu'on appelle Arba'a. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les quatre Sunan. Et les ulama, en général, ils les rajoutent à Bukhari Muslim pour faire quoi, comme tu as dit toi? Al-Kutub Sita. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, regardez l'introduction de Boul Omaram, de l'explication de Boul Omaram de Cheikh Al-Uthaymin. Il explique c'est quoi la différence entre les 4, les 5, les 6, les 7, etc. D'accord? Et donc, le hadith, comme j'ai dit, il a été rapporté dans Sunan al-Arba'a. Et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Je vous donne la référence, voir Sahih Sunan Abi Daoud de Cheikh Al-Albani rahimahullah, volume 1, pages 163 et 164. Ensuite, on passe directement pour les frères qui ont le livre ici, on passe directement à la page 109 et on voit le chapitre suivant, Ala man tajibu as-salawat al-khams. Comme on part toujours du sujet de la prière et qu'on va, inshallah, étudier la manière de prier du prophète, alayhi salam, eh bien, il convient de savoir à qui est concerné par l'obligation concernant cette prière. Et il dit, « Cheikh, yajibu ala kulli muslimin, mukallafin, dhakarin ou untha, hurrin ou abdin, muqimin ou musafirin, sahih ou marid, fi silmin ou harbin, yajibu alihi ada'u khamsi salawatin fil yawmi wal layla. » Hein? Donc qu'est-ce que nous dit le Cheikh ici? Pour qui les cinq prières sont obligatoires? Elles sont obligatoires pour tout musulman mukallaf. D'accord? Homme ou femme, libre ou esclave, résident ou voyageur, malade ou en bonne santé, en état de paix ou en état de guerre. Il rapporte ensuite une parole d'Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala. Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il a écrit comme livre? Très connu dans le fiqh. Faut pas hésiter, faut avoir peur, les frères. Dites. Non, parce que je sais qu'il y en a certains qui hésitent. Il y en a même certains peut-être qu'on livre à la maison. Al-Muhalla. Al-Muhalla d'Ibn Hazm. Elle est très connue dans le fiqh. Hein? Il dit dans Ibn Hazm, qui est décédé en l'an 456 de l'Hégire, rahimahullah, il dit La khilafa bayna al-ummati anna salawat al-khams fardun. من خالف ذلك فكافر. Je vous donne la référence de Muhalla, c'est volume 2, page 228. Donc, Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, il dit, il n'y a aucune divergence. Et ça, c'est important, c'est ce qu'on appelle quoi, hein? En arabe, hein? Ijma', barakallahu fik, na'am. Hein? Ou bien certains ulama disent aussi ittifaq. Et Cheikh, il dit, les ulama, il n'y a aucune divergence dans la communauté sur l'obligation des cinq prières. Et celui qui contredit cela est un mécréant, wal'iyadu billah. Et donc la référence, voir Al-Muhalla, volume 2, page 228. Alors, Cheikh continue en disant, Kharaja bi qawlina mukallaf man la taklifa alayh, fala tajibu alayhi salawat al-khams, wa huwa yashmalu al-saghir hatta yakbur, wa al-na'im hatta yastayqid, wa al-majnun hatta yafiq, kama yashmalu man رفع تكليفه مانع وهو الحيض والنفاس فالمرأة الحائض والنفساء لا صلاة عليهما لوجود مانع من تكليفهما وعلى هذا الإجماع. Et donne encore une référence dans le Muhalla d'Ibn Hazm, tome 2, page 233. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Bazmoul ici, hafidhahullah ta'ala? Il dit, lorsque vous avons dit mukallaf dans quoi, dans la définition de quoi? Il dit, de l'obligation de la prière. Tout musulman, qu'il a dit, kullu muslimin mukallaf. Il a dit, pourquoi est-ce qu'on a dit mukallaf, hein? Concernant l'obligation, c'est toute personne qui ne rentre pas dans ce taklif sort de l'obligation. Et il va donner des exemples, et ensuite il va citer un hadith qui est très connu dans le fiqh. Il dit, comme le petit jusqu'à ce qu'il grandisse, hein? Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, et le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. Et cela englobe, cher dit, celui dont l'obligation a été levée par un empêchement. Comme par exemple les règles et le chi. D'accord? Par exemple, les femmes, elles sont obligées de prier, mais pendant une certaine période, quoi? Elles sont plus obligées de prier. Et même, elles ne doivent pas prier. D'accord? Même si c'est temporaire, ou par exemple pour ce qu'on appelle un nifas, qu'on traduit en français par les lochis, d'accord? Mais en dehors de ça, elles restent ce qu'on appelle quoi? Mukallafa. D'accord? Contrairement par exemple une femme qui aurait perdu la raison, elle n'est pas mukallafa. Jusqu'à ce qu'elle recouvre la raison. Vous comprenez qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh ici ou pas? Vous allez voir plus clair, inshallah, avec le hadith qui suit dans l'explication. Et le cheikh nous dit donc, il dit, et cela englobe donc celui dont l'obligation a été levée par un empêchement. Donc la base, c'est que par exemple la femme est obligée, d'accord? Et cette obligation a été levée par quoi? Par un mani, un empêchement. Et c'est quoi les deux empêchements qu'elle a cités ici? Les règles et les lochis. Naam? Hein, ce qui peut rappeler peut-être pour certains frères qui ne savent pas c'est quoi les lochis. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la période que les femmes ont après avoir eu un accouchement. D'accord? À la kulli hal, Shir continue en disant, il dit, car la femme qui a ses règles et les femmes en état de lochi ne doivent pas prier à cause de la présence d'un, ce qu'on appelle en arabe, un mani', du verbe mana'a yamna'u. C'est quoi? C'est-à-dire quelque chose qui empêche de prier. Et ceci selon l'unanimité des savants. Et je vous ai donné la référence, c'est voir Al-Muhalla d'Ibn Hazm, volume 2, page 233. Shir ensuite donne un dalil par rapport à cela et il dit, والدليل على ان لا تكليف على الصغير والمجنون والنائم. Si je vous ai cité ces trois catégories, déjà ça doit vous rappeler un hadith très connu dans le fiqh. Pour les frères qui ont fait un peu de fiqh, c'est quoi? Barakallahu fik, rufi' al-qalam an thalath. Citez-les, allez-y. Tfadalou, yani aidez, an al-saghir hatta yakbur. Na'am, zid. C'était juste, zid. والنائم حتى يستيقظ و ما شاء الله والمجنون حتى يفيق. D'accord? Donc c'est quoi ici le cheikh? Yeah. Le cheikh dit, la preuve que le petit, le fou et le dormeur ne sont pas mukallaf, c'est le hadith rapporté par Al-Aswad. Il dit, والدليل على ان لا تكليف على الصغير والمجنون والنائم ما جاء عن الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. D'accord? Et qu'est-ce que nous dit ici le cheikh? Il dit, la preuve que le petit, le fou et le dormeur ne sont pas mukallaf, c'est le hadith rapporté par Al-Aswad de Aïcha radhiyallahu anha wa ardaha, du prophète alayhi salam qui dit, la plume a été levée pour trois. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, le petit jusqu'à ce qu'il grandisse, d'accord, et le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison, ou littéralement jusqu'à ce qu'il se réveille de sa folie, c'est-à-dire qu'il recouvre sa raison. Et d'ailleurs le laf d'ici, regardez, hatta ya'qil, jusqu'à ce qu'il recouvre la raison, ou hatta ou yufiq, d'accord. Le hadith est rapporté par An-Nasa'i et Ibn Majah et Ibn Hibban, et Ibn Hibban lui l'a authentifié rahimahullah ta'ala. Ensuite, chapitre suivant, on voit quoi? Murru, murru, awladakum bis salati li sab'in. C'est quoi? C'est sur le fait d'ordonner à nos enfants de prier à l'âge de 7 ans. Naam. D'accord? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans. D'après Abdul Malik, عن عبد الملك بن الربيع بن صبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة بن سبع سنين واضربوا عليها بن عشر. Je vous ai rapporté cette riwaya qui est une autre que celle qui est généralement connue, comme ça, ça fait qu'on connaît une nouvelle riwaya, inshallah. Sinon, l'autre, c'était celle qu'en général vous connaissez. Mouru awladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wahum abna'u 'ashrin wa farriqu baynahum fil madaji'. Et donc, d'après Abdul Malik ibn Rabi' ibn Sabra an abih an jaddihi, d'après son père, de son grand-père, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, apprenez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans et corrigez-les pour la prière à l'âge de 10 ans. Il fait de donner une correction, de corriger. D'accord ? Le hadith, il est rapporté par Abu Daoud et Al-Tirmidhi et Al-Darimi et Al-Hakim dans le Mustadrak. Il a été jugé authentique, ce qu'on appelle un sahih, les ghairihi, hein, par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Je vous donne là des références. Irwa, c'est quoi l'Irwa ? C'est un livre qu'on cite souvent ici dans ce cours. Al-Irwa. Irwa ou Al-Ghalil. Naam. Volume 1, page 266. Cheikh Bazmoul, hafidahullah ta'ala, il cite ensuite une parole de l'imam At-Tirmidhi. Pour les frères qui ont le livre, ils voient que je saute certains passages. C'est pour pouvoir rentrer dans le livre, inshallah, dans le sujet du livre aujourd'hui, inshallah. Il cite ensuite une parole de l'imam At-Tirmidhi. Il dit, قال At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, وعليه العمل عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن حزم يستحب إذا بلغ الصبي سبع سنين أن يدرب عليها فإذا بلغ عشر سنين أدب عليها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Donc il rapporte d'abord une parole de l'imam al-Tirmidhi décédé en l'an 279-279 de l'Hégire qui dit, en parlant de ce hadith justement, certains parmi les gens de science se basent sur ce hadith. Ahmed et Ishaq ont dit tous deux ce que le jeune garçon a délaissé comme prière. Hein, jeune garçon roulam, jeune garçon adolescent, hein, ce que le jeune garçon a délaissé comme prière, après l'âge de 10 ans, il la répète, il la refait. D'accord ? Et voir Sunan al-Tirmidhi après le hadith numéro 407. Et il cite une deuxième citation d'Ibn Hazm, ou une deuxième citation qui est d'un imam qui s'appelle Ibn Hazm, dont j'ai déjà parlé quelques instants quand on a parlé du Muhalla. Et il est décédé en l'an 456 de l'Hégire. Il dit, rahimahullah ta'ala, il est préférable, si l'enfant arrive à l'âge de 7 ans, de l'entraîner. Un yudarrab. Le même mot que vous connaissez, tedrib. De quoi ? Qu'il s'exerce, de s'entraîner, d'accord ? L'habituer à la prière. S'il arrive à l'âge de 10 ans, il peut être corrigé quant à la prière et voir Al-Muhalla d'Ibn Hazm, donc comme on a dit, volume 2, page 232. Cheikh Bazmoul, hafidahullah ta'ala, il s'attache ensuite à citer un hadith qui est le hadith en fait qui est cité sur la couverture même de Sifat Salah. Je ne sais pas si quelqu'un a Sifat Salah ici avec lui. Hein? On avait, pour les frères qui n'étaient pas là au début, le premier cours, on avait consacré à toutes les éditions, hein? les traductions, les différentes éditions publiées, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Hein? Mais peut-être dans l'édition à 3 tomes, si je me souviens bien, sur la couverture, vous voyez d'ailleurs le hadith. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu, priez. Hein? D'accord ? D'ailleurs, regardez le titre ici. Sifatu salat nabi alayhi salatu wassalam, min al-takbir ila al-taslim ka'annaka taraha. Hein? D'accord ? Et Cheikh, il cite justement ce hadith ici, qui est la traduction en tout cas approximative, priez comme vous m'avez vu, priez. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc c'est un hadith qu'on appelle quoi ? Muttafaqun alayh. Et il consacre ensuite quelques pages, Cheikh Bazmoul, hafidahullah ta'ala, de la page 118 à la page 128, pour répondre à la question, comment devons-nous comprendre cette parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris, juste par le fait que j'ai cité les pages, que je ne vais pas les traduire avec vous. Inch'Allah, vous pouvez les lire. Inch'Allah, ça va peut-être vous motiver à lire à la maison ce passage. Inch'Allah, s'il y a la moindre chose, on peut revoir ça ensemble, ce n'est pas un problème. Il a ensuite consacré un passage concernant le fait que la clé de la prière est la purification. Et ça, on avait déjà dit. Hein? Et qui sait me rapporter la définition de la prière ? Et qui sait me rapporter le dalil de cette définition ? Je vous ai dit, c'était un hadith qu'on a cité la fois passée. La définition, ba'da, qu'on s'en sorte. La définition que Cheikh Bazmoul a donnée. On en avait déjà donné une qu'on a fait sur l'autre salat, Cheikh Al-Abbad. Maintenant, je voudrais la définition qu'on a citée la dernière fois. Elle est assez facile. Hein ? C'est un nakira, c'est deux nakira. Aqwalun wa af'alun. Voilà, on a déjà avancé. Des paroles et des actions. Ça, c'était la première définition. C'est juste, hein? Mais on a reparti de Cheikh Bazmoul. Dont la clé est la purification. Miftahu hat-tuhur. Et le fait, ce qu'on a fait, le fait de faire le tahrim par le takbir, et on avait dit c'était quoi le tahrim? ce qu'on appelle en général takbirat al-ihram, c'était quoi? C'est que par le fait qu'on dise Allahu Akbar au début de la prière, il y a des choses qui nous étaient licites, qui deviennent illicites par le fait qu'on ait dit Allahu Akbar et qu'on soit entré en temps de prière. Je sais que parmi les adab de l'enseignant, c'est de regarder tout le monde. Et je ne regarde pas vraiment les gens tout à fait à ma droite et à ma gauche. Pourquoi, à votre avis? C'est pour le micro, hein? Donc vous ne vous sentez pas exclu, Inch'Allah, d'accord? Donc c'était quoi? Miftahuha at-tuhur. Sa clé est la purification. Wa tahrimuha at-takbir. Et on avait cité comme exemple, Cheikh Al-Abad il l'avait déjà fait, comme par exemple le fait de manger. Hein? C'est autorisé de manger. En tout cas, ce qui est halal. Mais par le fait de dire Allahu Akbar, on ne peut plus manger. Le fait de boire, par le fait de dire Allahu Akbar, takbir al-ihram, on ne peut plus boire. Le fait de parler également, d'accord? Le fait de bouger sans une bonne raison, d'accord? Ala kulli hal, donc ça c'est juste, aqwalun af'alun miftahuha at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Donc ce qui a été rendu haram, il est rendu halal par quoi? Par le taslim, la salutation, d'accord? Et donc le cheikh ici, il dit quoi? Dont la clé est la purification. Et il conseille, hein, et c'est vraiment un résumé de sa nasiha que vous pourrez retrouver dans, après la page 128, d'accord? Et il dit, conseille à tout musulman, musulmane, d'apprendre à se purifier, d'accord? Alors, je ne traduis pas, c'est un assez court passage, il ne rentre pas en détail d'ailleurs dans la purification. Il dit, Inch'Allah, qu'il faudrait peut-être consacrer un autre cours juste à la purification. Et une des raisons pour laquelle je ne traduis pas ce très court passage-là, c'est parce qu'on l'a déjà fait. Qu'on a fait quoi? Presque, je pense, 15 cours, Allah alim, entre 10 et 15 cours qu'on a fait sur Shurut Salah. On a parlé en long, en large des ablutions, etc. D'accord, hein? On pourra en faire d'autres, Inch'Allah, ala kulli hal. Et nous commençons donc maintenant le livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, à part entière. Et Cheikh Bazmoul nous dit, yaqulu musannifu kitab sifat salat nabi alayhi sallatu salam, istiqbalu al-Kaaba. Donc ça, c'est quoi le premier chapitre? C'est quoi? C'est sur le fait de s'orienter vers la Qibla, hein? Et là il y a un détail à faire, et vous allez voir que Inch'Allah, c'est important de faire ce genre de livre, parce que des fois c'est vrai qu'il y a des choses qu'on connaît, des fois on les connaît sans preuve, des fois on ne les connaît pas avec détail, hein? Et c'est important, vous allez voir, Inch'Allah, je suis sûr qu'Inch'Allah on va apprendre des choses aujourd'hui. Donc Cheikh nous dit istiqbal al-Qibla, il fait directement une note de page. Donc vous voyez dans le livre ici istiqbal al-Qibla, il y a un petit 1 à côté, une annotation, on va directement en bas de page, hein? Et je vais vous demander Inch'Allah de payer attention, hein? De prêter attention, d'accord? Pourquoi? Pour le fait que chaque fois, on va revenir aux notes de bas de page, hein, d'accord? Que vous suivez à chaque fois entre le matn et le ta'liq du shir, d'accord? Et le shir, il dit, hafidahullahu ta'ala, hada alladhi dakarahu shir, c'est quoi? Istiqbalu al-Kaaba. Anna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yastiqbilu al-Kaaba, ya'ni jihata al-Kaaba. وذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام في المدينة أما في صلاته في مكة صلى الله عليه وسلم فكان يستقبل عين الكعبة. Et là on va voir quoi la différence entre ce qu'on appelle جهة الكعبة و عين الكعبة. جهة الكعبة, on va voir ça en détail après Inch'Allah, c'est quoi? C'est se diriger ou prendre la direction, si vous voulez, de quoi? De la Qibla. Tandis que عين الكعبة c'est quoi? C'est quand on est par exemple al-haram, c'est qu'on on voit la Kaaba, à ce moment-là, on ne peut plus se limiter, ou se suffire plutôt en français, de se diriger vers la Qibla, mais parce qu'on la voit, on doit la prendre elle-même comme Qibla. D'accord? Il dit le shir, « وَالْعُلَمَا رَحِمَهُمُ اللَّهِ يَقُولُونَ الْمُسْلِمُ يَجِبُ عَلِهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ عَيْنَ الْكَعْبَةِ إِذَا كَانَ يَرَاهَا. » On va traduire ça après, Inch'Allah. فإذا لم يكن يرى الكعبة فإنه يكفيه أن يستقبل جهة الكعبة لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال ابن عبد البر في التمهيد. C'est qui ابن عبد البر, hein? C'est un des grands imams de la communauté, des grands imams parmi أئمة السلف, hein? Qui a expliqué quel livre, je l'ai cité ici d'ailleurs, quel titre, التمهيد, hein? C'est quoi التمهيد? C'est le charh de Al-Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, hein? D'accord? Et c'est un livre de référence. Et il dit, rahimahullah, wa ajma' al-ulama anna al-qiblata allati amara Allah nabiyahu alayhi salatu wassalam wa 'ibadahu bitawajjuhi nahwaha fi salatihim hiya al-Ka'bah al-Bayt al-Haram bi Makkah wa annahu fardun 'ala kulli man shahadaha wa 'ayanaha istiqbalaha. وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها أو عالم بجهتها فلا صلاة له وعليه إعادة كل ما صلى كذلك. وأجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حملوا على ذلك أن صلاته غير مجزئة عنه وعليه إعادتها إلى القبلة كما لو صلى بغير طهارة. Ici il y a un point quand même très important parce qu'on parle quand même de quelque chose qui peut annuler la prière ou pas. Cheikh Bazmoul il dit ce que le Cheikh dit, c'est-à-dire qui Cheikh l'Albani rahimahullah, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers la Qibla, c'est-à-dire en direction de la Kaaba, jihata al-Kaaba. Lorsqu'il priait à Médine, ah ça c'est important, hein, tandis qu'à la Mecque, il se dirigeait vers la Kaaba elle-même, hein, elle-même. Hein. Donc il y a ce qu'on appelle en arabe ici une différence, essayez de retenir le terme, inshallah, aynu al-Kaaba wa jihata al-Kaaba. Hein. Jiha on a, par rapport au nas, par rapport à au dharf, à la kulihal, jihatul kaaba wa aynul kaaba. Donc c'est quoi? S'orienter vers la kaaba ou de s'orienter vers, ou de lui faire face à elle-même lorsqu'on la voit. Ce qui est différent, d'accord? Et Cheikh il dit, les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, disent, il est obligatoire à tout musulman de se diriger, pour la prière évidemment, vers la Kaaba elle-même si il la voit. S'il ne la voit pas maintenant, il lui suffit de se diriger, ou plutôt en français, hein, de se mettre en direction de quoi? De la Kaaba. Et ce, en raison du hadith, ce qui est entre le levant et le couchant, le mashriq wal maghrib, est une qibla. Ma bayna al mashriq wal maghribi qiblatun. Hein? Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, a dit dans At-Tamhid, volume 17, page 54, les savants sont unanimes, hein, sur le fait que la Qibla vers laquelle Allah a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses serviteurs de se diriger dans la prière est la Kaaba al-Bayt al-Haram. Donc c'est quoi la Qibla? C'est le Kaaba al-Bayt al-Haram à la Mecque, et qu'il a ordonné à toute personne qui la voit de ses yeux de se diriger vers elle, de lui faire face à elle en elle-même, hein, Ayn al-Kaaba, d'accord. S'il délaisse le fait de la prendre comme direction alors qu'il la voit ou connaît sa direction, sa prière est nulle. Et il doit refaire tout ce qu'il a fait comme prière de cette manière. D'accord? Et les savants sont unanimes sur le fait que s'il prie dans une direction autre que la Qibla, sans avoir dû faire un ijtihad, attention, il précise, les chéris, des fois on doit faire un ijtihad. D'accord, hein? On en a déjà parlé quand? Quand on a parlé de quoi? Des conditions de la prière, de shurut salah. Hein? On avait rapporté quoi? Que quand on est dans un pays, dans un endroit où il y a un résident, on se doit de demander. On se doit de demander au résident. D'accord? Que sa prière n'est pas valable, hein? Et qu'il doit la refaire en direction de la Qibla comme s'il avait prié sans être pur. Donc le fait que quelqu'un ait prié de cette manière-là, eh bien, ça, il a prié comme si sa prière n'était pas en état de purification. Et Cheikh continue en disant, évidemment quand je dis Cheikh ici, c'est Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, « وَفِي هَذَا الْمَعْنَى حُكْمُ مَنْ صَلَّ فِي مَسْجِدٍ يُمْكِنُهُ طَلَبُ الْقِبْلَةِ فِيهِ بِالْمِحْرَابِ وَشَبِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ وَصَلَّ إِلَى غَيْرِهَا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ غَابَ عَنْهَا أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها وعلى أن على من خفيت عليه ناحيتها الاستدلال عليها بكل ما يمكنه من النجوم والجبال والرياح وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. Donc qu'est-ce que le Cheikh nous dit ici, ابن عبد البر رحمه الله, qui est cité par Cheikh Bazmoul, il dit: et dans le sens de ceci, le jugement de celui qui prie dans une mosquée, où il lui est possible de quoi? De chercher la Qibla, par exemple par le mihrab. Si je rentre dans une mosquée et je vois un mihrab, eh bien, je connais quoi là? La Qibla, d'accord? Ou quelque chose de similaire. Hein? Dans certaines mosquées, il y a des signes, on voit. Hein? D'accord? hein, la Qibla. Et qu'il ne l'a pas fait. Il était possible pour lui de savoir la Qibla de cette manière-là. Hein, je vois des frères qui regardent autour de nous. Et a pris dans une direction autre que la Qibla. Eh bien, ils sont unanimes sur le fait que celui qui ne la voit pas, hein, qui n'est pas sur place, doit prier dans cette direction. Et que celui qui ne connaît pas sa direction se doit de la chercher avec tout ce qu'il peut utiliser, comme par exemple, quoi, chérie la cité, les étoiles, les montagnes, les vents, et toutes autres choses parmi les choses que l'on peut utiliser pour connaître sa direction. Inch'Allah, rappelez-moi, j'aimerais vous traduire un petit passage de Sharh al-Mumti' de Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah. Vous allez être surpris des choses que Sheikh al-Uthaymin cite pour connaître par les